Lorsque l'idée me vint d'entreprendre l'étude des monstres, je ne percevais pas moi-même très distinctement les raisons qui m'y poussaient, et pourquoi ces phénomènes et leurs mystères m'attiraient de façon si extraordinaire, presque magique. Aujourd'hui encore, après l'achèvement de cet ouvrage, ces raisons restent multiples, et aucune, prise séparément, ne suffirait à excuser un tel travail. Peut-être de vieilles réminiscences livresques ressurgissent-elles à l'occasion de certaines rencontres avec des nains, des géants, des colosses. Rencontres rares et ahurissantes à notre époque, qui firent revivre certains personnages des livres d'images de mon enfance, et amenèrent aussi ma curiosité à se pencher sur les raisons profondes de leur exode vers les ténèbres, de leur fuite de l'harmonie des choses et des êtres. Nul n'ignore que le vide est attractif. Alors peut-être cette véritable conspiration du silence qui les entoure, imposée par une société qui veut gommer jusqu'à leur silhouette, joua-t-elle inversement sa fonction et tint-elle le rôle de corne de brume pour me guider vers eux? Pourquoi alors réveiller ses parents éloignés, perdus de vue, endormis dans leur lit de douleur, ou cachés dans leurs différences, dans leur difformité? Pourquoi avoir saisi le fil d'Ariane à l'envers, et s'en être servi pour rejoindre le Minotaure plutôt que pour le fuir? Peut-être le désir d'exorciser des psychoses, des déséquilibres, des réflexions confuses et multiples sur la vie, la mort, l'amour. Peut-être le refus subconscient que tout ne soit pas blanc ou noir, que les existences aient des ombres. Peut-être encore pour étayer le fantastique pouvoir de l'imagination, qui permet d'avoir la moitié de soi-même dans le visible, l'autre dans l'invisible, dans le rêve, dans la contradiction, réalisant ainsi les désirs les plus inconcevables. Oui, je l'avoue, la pensée de rentrer chez les monstres, c'est les deux pieds dans la sécurité du moment et la tête dans le risque et la folie. C'est la matérialisation de la dualité, c'est l'accord diplomatique, le moins probable enfin réalisé, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui existent dans chacun de nous, assis à la même table et s'écoutant l'un l'autre. Mais je ne suis pas le seul responsable de cette rencontre. Sachant que je les entreapercevais, telles les sirènes qui voulaient attirer Ulysse, certains monstres, dans un refrain que moi seul voulais entendre, chantaient de façon irrésistible que la vérité est la plus prodigieuse des extravagances. Prenant le héros grec à contre-pied, je ne m'attachais pas au grand mât, c'est-à-dire au raisonnable, et décidai de me laisser séduire. J'abandonnai donc mon équipage d'amis fidèles, les laissant ainsi ramer seuls sur l'océan immense, calme et familier du quotidien. Je rentrai donc pour plusieurs années dans le royaume des monstres. Je les trouvais plus extraordinaires, plus insoupçonnables, et mille fois plus complexes que je n'aurais osé l'imaginer. Toulouse-Lautrec, Scarron, Pope, Ésope, et des milliers d'autres, rois, héros, dieux ou phénomènes de foire m'accueillirent par ce vers de Luigi Pirandello. La vérité est pleine d'absurdités qui peuvent avoir l'effronterie de ne pas paraître vraisemblables. Et savons-nous pourquoi? Parce que ces absurdités sont vraies. Pêle-mêle, à ma demande, les monstres se rassemblèrent de tous les coins du monde, de toutes les époques, de toutes les civilisations, croulant sous le poids des fonctions et des symboles. Les premiers, adulés, triomphants, demi-dieux, inspirateurs de multiples chefs-d'œuvre, représentant même les plus hautes facultés de l'esprit, vinrent en rang serré, les uns amenant les autres. Puis, plus miséricordieux que nous, ces privilégiés s'écartèrent pour laisser le passage à d'autres, qui pourtant étaient les mêmes. Frères déshérités, êtres maudits, craints et maléfiques, à qui l'on prête une intense méchanceté et des vices violents, balise de certains chemins spirituels, matérialisant les vieilles malédictions et superstitions encore de vigueur, ceux-là s'approchèrent aussi, tout en cendres d'avoir fini par milliers sur les bûchers. Séduit et fasciné, je m'interrogeais toujours, avec plus d'insistance au fur et à mesure que les mois passaient, pourquoi ce peuple de plusieurs centaines de milliers d'individus était ignoré, rejeté de la place particulière qu'il pourrait occuper dans l'actuel ordre social. C'est Grace McKelly, la femme à la tête de mule, exploité pendant des années dans les foires par son propre fils, qui me souffla la réponse depuis le vieux cimetière de New York où elle repose depuis 25 ans. Nous sommes la rencontre du plus scandaleux, du plus obscène. Nous sommes l'association des contraires, des différences. Nous sommes l'histoire qui concilie l'inconciliable. Nous sommes un monde où l'entendement et la raison se compromettent. Serpentina, la femme serpent du début du siècle, et la femme porc-épic, qui fut tellement martyrisée par George II, roi d'Angleterre, me disent encore « Notre nombre constant au cours des époques, notre omniprésence qui jouxte intimement l'histoire des hommes qui vivent au soleil, devrait vous avertir que nous ne sommes pas sur la planète par accident, par une inadvertance de cette nature dont vos philosophes admettent qu'elle ne fait point d'erreur. les lois génétiques formelles qui régissent nos groupes, nos tribus, nos familles, le fait que l'homme a subi une lente mais continuelle transformation depuis ses origines, tout pose la question, nous, les monstres, aujourd'hui chef-d'œuvre de l'insolite, ne sommes-nous pas les éclaireurs avancés de l'humanité de demain ? Cet avertissement, à peine voilé, ne servit qu'à affermir un peu plus encore l'idée grandissante dans mon esprit que le temps était venu de ressusciter une nouvelle fois les monstres de l'obscurité où les préjugés et les reniements les avaient plongés. Pour cela, j'ai essayé de faire ce livre le plus complet et le plus vrai possible, à travers ce que l'on sait d'eux, ou de ce qu'ils m'apprirent d'eux-mêmes. Le maximum de recherches concernant les faits inconnus, oubliés, insoupçonnés, vinrent s'accumuler pour mettre en valeur ce second Atlantide. Je m'aperçus avec satisfaction que cette humanité oubliée s'accommodait mieux de la lumière que des ténèbres, et des réalités que des légendes. Beaucoup parmi eux n'avaient pas encore eu autant de lignes écrites auparavant à leur sujet. D'autres, au contraire, très en lumière dans les siècles passés, jouèrent pour moi les seconds rôles. Beaucoup de ces humains particuliers passèrent souvent anonymes dans le vaste monde, disparaissant tout à coup, totalement et pour toujours. Mais j'ai fait de mon mieux pour raconter les histoires de tous et de chacun. Les faire revivre fut une tâche longue, difficile, obscure. Leur vie étant souvent l'obscurité même, pour un œil qui ne serait pas tendre ou une oreille qui ne serait pas exercée. Chaque monstre m'a aidé pour lui-même ou pour ses frères. Cylindre noir terminé par deux rangées de perles et un sourire, la femme tronc de l'exposition universelle de 1900 m'a confié la photo d'elle qu'elle préfère. Droite comme un point d'exclamation, elle y pose sur un guéridon chancelant qui, lui pourtant, a trois jambes. Kobelkov, son homologue masculin, la plus célèbre portion d'humain qui ait jamais existé, immobile pour la vie, me décrivit les manèges d'avion qu'il acheta entre les deux guerres à Vienne pour les enfants qui veulent voler au lieu de courir. La femme à deux têtes, favorite d'un empereur chinois, m'a expliqué ce qu'était l'amour quand on a deux cœurs. Trips, le manchot, si adroit de ses pieds dans des exercices d'adresse, me parla de sa femme que jamais il n'avait pu serrer dans ses bras. D'autres de ses élagués, peintres comme Quetel ou Ducornet, l'ami de Watteau, me demandèrent avec humilité, le pinceau tel un sceptre tenu entre les orteils, si leur toile était encore au Louvre. Lionel, l'homme chien, m'a communiqué de vieilles rognures de journaux sales et jaunies. Ses yeux s'humidifièrent à ce rappel de sa célébrité passée, quand tout New York venait l'entendre aboyer, lui qui parlait quatre langues. Vedette des vedettes parmi les hommes animaux, Jellyachev, l'homme gorille, et son fils, véritable miniature de lui-même, qui connurent la gloire dans toutes les capitales du monde, me racontèrent comment, se croyant damnés, ils utilisèrent leur fortune pour faire célébrer des milliers de messes après leur mort. Des nains gladiateurs, misérables gargouilles, le ventre ouvert pissant le sang, n'en finissaient pas de me rappeler comment, à Rome, ils furent applaudis par l'empereur Domitien, après leur combat contre les Amazones. Des siamois me dirent ensemble ou simultanément le bonheur d'être père, simultanément ou ensemble. Des géants, des cyclopes, des culs de jatte, des femmes grenouilles, des hommes à trois ou quatre jambes, et des centaines d'autres, semblables aux phénomènes imaginés par les mythologies, m'ont confié leurs trésors, les traces de leur passage, de leur existence. Photographies des chapiteaux qui abritèrent leur vie et leur chagrin, portraits de leur mère et de leur sœur, multiples gravures, et encore des photographies d'eux-mêmes enfants, adolescents, lézardés, morts. Show minable, cirque lumineux, centaines de vieux programmes au papier rongé par l'oubli, revues, périodiques enterrés et poussiéreux, pamphlets, anciens constats de nourrices superstitieuses ou de facultés d'anthropologie, confidences d'un voyageur, hurlements d'un présentateur de foire, témoignages historiques pour ceux qui furent cousins de rois, lettres, confidences des monstres eux-mêmes, bien sûr, mais aussi de ceux qui les ont aidés, si ce n'est aimés. Tout au long de son édification, ma recherche fut à la merci de ces riens, de ces tout. Pour jaloux et méfiant qu'ils soient de ceux qui risquent d'utiliser à leur profit leur gloire passée, sans même me demander la contrepartie d'un éternel appui, ils m'offrirent l'hospitalité. Ils m'autorisèrent à détester certains d'entre eux, à faire mes amis posthumes de ces autres, à trouver laid ceux-ci, et d'une beauté presque magique ceux-là. Mais tous me confièrent leur vérité. Chaudron brûlant où bouillaient leur joie, leurs vicissitudes, leurs amours, leurs déboires et leurs conquêtes. De cette immense boîte à surprises que fut leur confidence, a fini par jaillir le fantastique album de famille des monstres. Pages comiques, terribles, repoussantes ou séduisantes, alternance de contemplation pénible ou admirative. Notre ensemble indissoluble de raisons et de déraisons, qui servit à l'élaboration de cette histoire des monstres, justifie le fait que chaque lecteur trouvera, au cours de ce voyage au pays du merveilleux ou de l'horrible, sa propre approche des monstres, sa propre argumentation pour réfuter ou comprendre un des aspects du dessin du monde vivant. Certains seront choqués, d'autres réveilleront à cette occasion leur plus intime lumière et leur discernement en ce qui concerne les réalités de la vie sous des formes difficilement acceptables. Mais il peut être salutaire et profitable de disséquer une fois dans sa vie son entendement du bien et du mal, du beau et du laid, pour tenter de pénétrer le mystère des productions de la nature. Ainsi, peut-être, disais-je, certains, en cherchant à découvrir l'essence des monstres, se trouveront-ils enfin eux-mêmes.